الحمد لله رب العالمين لا لونج تا ديو سينيور دي زونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الامين et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique سيدي أمير الأنبياء مَتْر أمير des prophètes صلى الله عليك عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel ورمال الصحراء et au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Ève أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères, mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى très cher ou bien-aimé Mohammed al-Mustafa alayhi afdalu salati wa azka salam pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع. La famille constitue la première cellule de la société. بل هي أساس المجتمع. Plutôt, elle est la base de la société. فَإِذَا اضْطَرَبَتِ الْأُسَرْ Quand les familles deviennent déséquilibrées, بِلَا شَكِّ يَضْطَرِبُ الْمُجْتَمَعُ كُلُّ Sans aucun doute, toute la société devient déséquilibrée. لِهَذَا أَعْطَ الْإِسْلَامُ عِنَايَةً كُبْرَى لِلْعَلَقَاتِ الْأُسَرِيَّةِ Raison pour laquelle l'islam a accordé ou a donné une grande importance aux relations familiales. فلو أخذنا المثلث الأسري Si nous prenons le triangle familial, الزوج, dans un sommet se trouve le mari, في الجهة الأخرى الزوجة, dans l'autre sommet en parallèle se trouve la femme, وتحت يوجد الأولاد. Et dans le sommet du bas se trouvent les enfants. Al-zawja, al-zawj, al-zawj al-awlad, le mari, la femme, les enfants. Najid al-Islam qad a'ta mathanatan kubra li mihwari al-zawj ma' al-zawja. Nous trouverons, si on regarde ce triangle familial, nous trouverons que l'islam a donné une solidité ou une grande solidité à l'axe qui s'appelle le mari et la femme. Al-mumathal bi'alaqat az-zawaj, zawaj, cet axe qui est traduit par la relation du mariage. Hadha al-mihwar huwa alladhi yahmilu al-usra. Cet axe mari femme qui porte la famille. Wa sammahu Allah bil-mithaq al-ghalid. Dieu l'a appelé cet axe par le pacte énorme. تقول الآية القرآنية, le verset coranique dit وأخذنا منكم أخذ النساء منكم وأخذنا منكم يا رجال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Et qu'elles ont pris de vous un pacte énorme, ça veut dire le jour du mariage. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدين. Le prophète prière et sa souris l'a qualifié, cet axe, mariage, l'a qualifié par la moitié de la religion. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, al-Hakim et d'autres. Après cette introduction, je vous dis, mes frères et mes sœurs, أخي, عندك زوجة, mon frère, tu as une femme. أختي, عندك زوج, ma sœur, tu as un mari, عندكم أولاد, vous avez des enfants. وأقول للشباب, عندكم والدين, et je dis aux jeunes, vous avez des parents. كل ما عندكم, tout ce que vous avez, من زوج comme mari, زوجة comme femme, والدين comme parents, أولاد comme enfants, هم نعمة من الله لا تقدر بثمن. Tout ces gens-là constituent une grâce venant de la part de Dieu qui ne peut pas estimer à un certain prix. Et la question qu'on se pose, كيف هي العلاقات اليوم بيننا في المثلث العائلي. La question qui se pose, comment sont-elles les relations entre nous aujourd'hui dans le triangle familial ? أهي كما أراد الله, ces relations sont-elles comme Dieu l'a voulu ? أم هي كما أراد الشيطان, العدو الأول للإنسانية, ou ces relations sont comme ce que Satan l'a voulu, Satan l'ennemi numéro un de l'humanité. تعالوا لنقوم بتقييم للعلاقات الأسرية في حياتنا اليومية. Venez mes frères et mes sœurs, qu'on réalise aujourd'hui un bilan, une évaluation de nos relations familiales dans notre vie quotidienne. من أجل هذا التقييم سأذكر باختصار بالنظام الإسلامي فيما يخص الأسرة المسلمة. Afin de réaliser cette évaluation, ce bilan, je vais vous rappeler brièvement le système musulman en ce qui concerne la famille. Je commence par le premier axe du triangle familial, la relation entre le mari et son épouse. Je vous ai choisi quelques versets qui abordent ce sujet ou cette relation. Le premier verset, Dieu dit, vivez avec elle selon la bonne coutume. Bima huwa ma'ruf fi din l'islam. Vivez avec elle selon la coutume bien connue dans la religion musulmane. Amrun min Allah li kulli zawjin ana wa anta wa huwa wa nahnu an yu'amila zawjatahu mu'amalatan hasana. C'est un ordre venant de la part de Dieu à chaque mari musulman de bien se comporter avec sa femme selon la bonne manière, bi riqqa, avec douceur, dans la parole et dans l'acte. Il doit agir selon la bonne manière lorsqu'il est avec sa femme. Sans grossièreté et sans violence. Allah, Dieu n'a pas précisé la méthode avec, ou Dieu n'a pas donné une méthode précise, exacte. بل ترك المجال مفتوحا. Il a laissé le champ libre. وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف. ترك المعروف يعني مفتوحا. فكل معاملة جميلة لا تتعارض مع الدين. والعرف الحسن. Tout comportement qui ne s'oppose pas. Tout beau comportement. Tout comportement agréable. Qui ne s'oppose pas, qui ne se contredit pas avec la religion et avec la bonne coutume, ce beau comportement est recommandé en islam au mari. Autrement dit, tout mauvais comportement, tout mauvais traitement avec la femme est interdit en islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. Les femmes ne sont que les sœurs germaines des hommes. ما أكرمهن إلا كريم. Elles ne sont bien traitées que par un noble. وما أهانهن إلا لئيم. Et elles ne sont maltraitées que par un ignoble. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود rapporté par l'imam الترمذي أحمد et أبو داود. أختي هل رأيت كيف دافع عنك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Ma sœur, as-tu bien vu comment ton bien-aimé محمد صلى الله عليه وسلم t'a défendu. Est-ce que tu l'aimes comme il t'a aimé. هل تحبينه كما أحبك. أخي هل أنت كريم مع زوجتك. Frère, es-tu noble dans la relation avec ta femme. أم أنت لئيم. Ou bien frère, es-tu un ignoble dans la relation avec ta femme. In kunta kariman fahani allak. Dans le cas où tu es noble, félicitations à toi. Wa in kunta la'iman fatub bi sur'a ila Allah. Mais dans le cas où tu es ignoble, repens-toi rapidement à Dieu. Al-aya athaniya, le deuxième verset, qala ta'ala, Dieu dit: ولهن للنساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دائما كلمة المعروف عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. On leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. Tout à l'heure vivez avec elles selon la bonne coutume, maintenant selon aussi la bonne coutume. بمعنى الحقوق جعلها الله متساوية بين الرجل والمرأة في الإسلام. Ceci signifie que les droits, Dieu les a rendus égaux en islam entre l'homme et la femme. Nulle différence entre l'homme et la femme. ما في فرق بين الرجل والمرأة. بمعنى أي حق لك تطلبه من زوجتك. Ceci signifie tout simplement, mes frères, tout droit à toi que tu demandes à ta femme, يجب عليك أن تحقق لها نفس الشيء. En même temps ou avant même que tu lui demandes, tu dois lui assurer la même chose que tu lui demandes. مع كل حق تطالب به. Avec tout droit que tu lui réclames en ta faveur, هناك واجب لصالحها تقوم به. Il y a un devoir pour toi, en sa faveur, à accomplir. حقوق وواجبات متساوية بين الرجال والنساء. Donc des droits et des devoirs égaux entre les hommes et les femmes. ولهن مثل مثل مساواة ولهن مثل الذي عليهن. On leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. هذه هي عظمة الإسلام. Telle est la grandeur de l'islam. هذه هي عدالة الإسلام. Telle est l'équité de l'islam. أخي, frère, هل أنت عادل مع زوجتك؟ Es-tu juste, équitable avec ta femme؟ هل لا تطلب من زوجتك يا أخي إلا ما تقدم لها أنت كذلك؟ Est-ce que tu ne demandes à ta femme, mon frère, que ce que tu lui offres? فكر جيدا. Réfléchis bien. فالظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Réfléchis bien, parce que l'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection, unanimement authentique, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-aya al-thalitha, le troisième verset sélectionné, قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde. هذه المودة والرحمة لا تشترى بالمال. حتى الغني لا يستطيع أن يشتريها. لا يعطي مال لزوجته حتى تكون بينه وبينه مودة ورحمة. رأينا أغنياء عندهم ملايير وطلقوا. صار الطلاق بينهم. ما في مودة ورحمة بينهم وهم أغنياء. هم مش من الأغنياء الصالحين الذين تكلمنا عنهم من قبل. هذه المودة والرحمة لا تشترى بالمال. Cette tendresse, cette miséricorde ne peut pas être achetée par l'argent. On a vu des milliardaires qui n'avaient pas la tendresse et la miséricorde entre eux et leur épouse, et il y a eu le divorce par la suite. فالذي يشترى بالمال هو النفاق السلوكي. Ce qu'on arrive à acheter avec l'argent, par l'argent, c'est l'hypocrisie comportementale. المودة والرحمة الحقيقيتان هدية من الله للزوجين الصادقين. La tendresse et la miséricorde véritable forment un cadeau divin pour les époux ou pour le couple sincère. نعمة من الله, c'est une grâce de la part de Dieu. سئل النبي صلى الله عليه وسلم, on a interrogé le prophète prière et sur lui, من أحب الناس إليك يا رسول الله, quelle est la personne la plus aimée à toi au messager de Dieu? قال عائشة. Il a répondu عائشة, son épouse, notre mère, أمنا عائشة. متفق عليه, unanimement authentique. لم يقول صلى الله عليه وسلم أمي. Le prophète prière n'a pas dit ma mère la plus aimée à moi. ولا أبي, il n'a pas dit mon père. ولا عمي, il n'a pas dit mon oncle. ولا جدي, yani Abd al-Muttalib, et il n'a pas dit mon grand-père. قال صلى الله عليه وسلم هذا في زمان كان الرجل فيه يستحي حتى ان يتكلم عن زوجته امام الرجال. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit cela comme quoi la personne la plus aimée à lui c'est Aïcha, dans une époque où l'homme avait honte même de citer sa femme ou de parler de sa femme devant les autres. كانت هناك علاقة حب ومودة ورحمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة رضي الله عنها. Il y avait entre le messager de Dieu, prière et sa souris, et son épouse Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, une relation d'amour, de tendresse et de miséricorde. فالزواج هدية إلهية. Le mariage est un cadeau divin. ولكن المودة والرحمة والحب إن كانت في بيت الزوجية فهي هدية إلهية أخرى أكبر وأكبر. Mais dans le cas où il y a la tendresse, la miséricorde, l'amour dans le foyer conjugal, là il s'agit d'un autre cadeau divin qui est plus grand. أخي أختي, frère, sœur, الزواج عبادة. Le mariage est une adoration. نصف الدين, la moitié de la religion. أتدري ما هي عبادة الزواج؟ Sais-tu quelle est l'adoration du mariage ? أن كل واحد يحاول كل جهده إفراح الطرف الآخر. هذه عبادة الزواج. L'adoration du mariage, c'est que chaque partie du couple doit faire tous ses efforts afin de rendre l'autre partie heureuse et joyeuse. C'est ça l'adoration du mariage. تقول إذا كان زوجي راض عني فإن الله راض عني. Elle dit dans le cas où mon époux est satisfait de moi, ça veut dire c'est Dieu qui est satisfait de moi. ويقول إذا كانت زوجتي راضية عني فإن الله راض عني. Et il dit si mon épouse est satisfaite de moi, ça veut dire c'est Dieu qui est satisfait de moi. أخي هل زوجتك راضية عنك؟ أختي هل زوجك راض عنك؟ Frère, est-ce que ton épouse est satisfaite de toi? Sœur, est-ce que ton mari est satisfait de toi? وإذا كان الطرف الآخر غاضبا علي فإن الله غاضب علي. Et il dit dans le cas où l'autre partie dans le foyer conjugal est énervé sur moi, ça veut dire c'est Dieu qui est énervé sur moi. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sa souris dit, يقول للرجل, le prophète parle avec l'homme, chaque homme de nous, خياركم خياركم لنسائهم, رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان والحاكم. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont meilleurs avec leur épouse, il dit le prophète sallam, rapporté par l'imam الترمذي et d'autres. بمعنى إذا أردت أن تكون خيرا عند الله, ceci signifie si tu cherches à être meilleur auprès de Dieu, فانظر هل أنت خير عند زوجتك. Regarde d'abord est-ce que tu es meilleur auprès de ton épouse. وقال صلى الله عليه وسلم, et il dit prière et salut sur lui, l'imra' عن زوجها, il dit à une femme au sujet de son mari, إنه جنتك ونارك. Il lui dit, il dit à la femme à propos de son mari, il représente, il est ton paradis et il est ton enfer. Ça veut dire l'homme représente à sa femme dans le foyer conjugal, représente le paradis ou l'enfer. Et la femme peut choisir soit le paradis ou choisir l'enfer. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Al-Hakim. Fi al-mulakhas aqul, dans le résumé de ce premier volet, je dis alaqatu az-zawaj fi al-islam, la relation du mariage en islam, alaqat musawat bayna az-zawj wa zawjatihi, est une relation, la relation de mariage est une relation d'égalité entre le mari et son épouse. Wa husn muamala, et bonne compagnie, mabniya ala al-mawadda war-rahma, ala al-hub war-rahma, basé sur l'amour et la miséricorde. Wa idha kana az-zawaj hadiya ilahiya, et comme le, ou si le mariage est un cadeau divin, فهناك هدية إلهية أخرى معه, il y a toujours ou souvent avec lui un autre cadeau divin, وهي الأولاد. هناك هدية دائما معه أو غالبا ما تكون معه, وهي الأولاد. Et ce deuxième cadeau s'appelle les enfants. وأمر الآن إلى المحور الثاني من المثلث الأسري. Maintenant je passe vers le deuxième axe du triangle familiale. Al-alaqa bayna al-awlad wal-aba. La relation entre les enfants et les parents. ولقد اخترت لكم بعض الآيات التي تتكلم عن هذه العلاقة. J'ai choisi pour vous quelques versets qui parlent de cette relation. الأولى الآية الأولى. Le premier verset, قال تعالى, Dieu dit: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Ton Seigneur, on a décidé ainsi que vous n'adoriez que lui. وبالوالدين إحسانا. جاءت أربع مرات في القرآن الكريم. أعبد الله وبالوالدين إحسانا. مباشرة بعد عبادة الله وبالوالدين إحسانا. Et de traiter les deux géniteurs avec bienveillance ou avec excellence. Ceci est répété à quatre reprises dans le Coran. D'être bienveillant, excellent dans les relations avec ses parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent chez toi la vieillesse, ne leur dis pas fi. Ça veut dire pour souligner le mépris ou le dégoût. Même ce mot fait de deux lettres, F et I, fi, ne leur dis pas ça, c'est interdit. Et ne leur réponds pas avec brutalité. إِذَا كَانَتْ أُفْ حَرَام. Si le mot fi est interdit, بِمَعْنَ السَّبْ حَرَام, ça veut dire les insultes aux parents sont interdites. الصُّرَح حَرَام, les cris à l'envers des parents est interdit. إِغْلَاق الْبَابِ بِقُوَّة, claquer la porte devant leur nez est interdit. الضرب أو الدفع حرام, ça veut dire aussi que frapper ou pousser son père ou sa mère est interdit. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, et tiens-leur des paroles nobles et douces. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, et par miséricorde fais preuve d'humilité envers eux. وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, et dis: Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils m'ont élevé enfant. أَوْ أَمِرْ مِنَ اللَّهِ, des ordres suprêmes venant de la part de Dieu. فِيمَا يَخُصَّ الْوَالِدَيْنِ, en ce qui concerne les parents. مُعَامَلَةً بِالْإِحْسَانِ, une conduite avec excellence avec eux. Al-Qawlul Karim, la parole noble, douce. Al-Tawadu'a ma'ar-Rahma, l'humilité accompagnée par la miséricorde. Al-Du'a bil-Rahma, et les invocations pour que Dieu leur accorde sa clémence. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil kaba'ir, le prophète prière, ça se lui dit à propos des énormes péchés, ash-shirku billah wa 'uququl walidayn, l'association d'une autre divinité avec Allah, et l'ingratitude ou la désobéissance aux parents. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Al-Bukhari wa Muslim. Walakin ash-shaytan lan yatrukak tata'amal bi ihsan ma'a walidayk. Mais ton premier ennemi, Satan, ne va pas te laisser bien te comporter avec tes parents. Sayadfa'uk lil'uquq, il va te pousser à la désobéissance. Aq signifie en français désagréable avec ses parents, puissant avec ses parents, mal élevé, grossier avec ses parents, désobéissant à ses parents. Tout cela signifie le mot aq en arabe. Akhi ukhti, frère, sœur, kayfa anta ma'a walidayk, comment es-tu avec tes parents? In kana walidak radiyayn ank fa rabbuka radin ank, dans le cas où tes deux ou tes parents sont satisfaits de toi, sache mon frère ou ma sœur, félicitations à toi, Dieu est satisfait de toi. وَإِنْ كَانَ وَالِدَاكَ غَاضِبًا عَلَيْكَ غَاضِبَيْنِ عَلَيْكَ, dans le cas où tes parents sont énervés sur toi, tu ne fais que pleurer ta maman, tu ne fais que pleurer ton père. أَنْتَ دَائِمًا تُبْكِي أُمَّكَ تُبْكِي أَبَاكَ أَنْتِ تُبْكِينَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ فَرَبُّكَ غَاضِبٌ عَلَيْكَ. Sache mon frère, sans aucun doute ou ma sœur, que Dieu est énervé sur toi. فَمَعْصِيَتُكَ لِوَالِدَيْكَ مَعْصِيَةٌ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا. Ta désobéissance à tes parents avant tout est une désobéissance à Dieu qui t'a dit de bien te comporter avec eux. الآية الثانية, le deuxième verset, قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام, Dieu a dit à propos d'Ismaël que les prières de Dieu soient pour lui. لما طلب منه أبوه إبراهيم أن يذبحه, lorsque son père Abraham lui a demandé de le l'égorger, قال يا أبتي ما أجمله من كلام يا أبتي افعل ما تومر ها عنقي اقطعها يا أبتي افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il dit, ça veut dire Ismaël à son père, fais ce qu'on t'ordonne et tu me trouveras, si Dieu veut, de ceux qui supportent avec patience. Voici ma gorge, voici mon cou, tranche mon cou avec ton couteau. Allah جعل من إسماعيل مثلا في طاعة الوالدين. Dieu a fait d'Ismaël un énorme ou un modèle suprême dans la l'obéissance aux parents. Abu Sayyid Bahou wa yutir, son père voulait l'égorger et il obéit. Et Dieu nous souligne ça pour qu'on fasse comme lui. Allah yaqul lana hadha limad hatta na'mal mithla Ismaïl ma'a walidina. Fal'aqu li waliday la yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah. Isma'ha fi udunik. العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. Écoute ça bien, mon frère ou ma sœur. Le désobéissant, le désagréable avec ses parents, Dieu ne le regardera même pas le jour de la résurrection. Ça veut dire il n'aura pas de pitié de lui, il n'aura pour lui aucune miséricorde. ولا يدخل الجنة. Il n'entrera pas au paradis. صلي صم حج لن تدخل إلى الجنة. Prie, fais le jeûne, fais le pèlerinage, tu n'entreras pas au paradis. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith rawahu an-Nasa'i wal-Bazzar wal-Hakim. Comme l'a souligné le prophète dans un hadith rapporté par an-Nasa'i al-Bazzar et al-Hakim. Amma alladhi yaqta'u al-'alaqa ma'a walidayhi, tandis que celui qui coupe la relation avec ses parents, elle se marie avec son amoureux et dit au revoir à ses parents. Hada ma yajri fi Faransa. تقول لوالدي السلام حتى السلام ما تقولها وتتزوج بمن تريد مسلم أو غير مسلم. هذا ما يجري في فرنسا. تقطع مع والديها, يقطع مع والديه. Celui ou celle qui coupe la relation avec ses parents, قال عنه النبي, le prophète prière, ça se lui dit à propos de lui, لا يدخل الجنة قاطع, قاطع رحم, n'entrera pas au paradis un coupeur ou le coupeur, celui qui coupe la relation avec ses parents. Muttafaqun alayhi al-Bukhari wa Muslim. Unanimement authentique, Bukhari et Muslim. Al-Mulakhas, le résumé, alaqatul awlad ma'al walidayn fil islam, la relation des enfants avec les parents en islam, alaqat ta'a, une relation d'obéissance. Wa mu'ashara bi ihsan, mush hasana, la ma'ka ma'a zawja, la bi ihsan. Et une compagnie avec excellence, pas une bonne compagnie, une compagnie avec excellence. Mabniya ala al-hub wa al-rahma. Waqfid lahuma janah ad-dulli min al-rahma. Mabniya ala al-hub wa al-rahma. Une relation basée sur l'amour et la miséricorde. Hada sawa kana al-walidan muslimayn ou ghayr muslimayn. Et ceci, que les parents soient musulmans ou non, tu dois te comporter avec tes parents comme Dieu l'a dit. As'alullah fil akhir, as'alullah an yaghfira li wa lakum wa an yunabbihana bi uyubina innahu ala kulli shay'in qadir. Subhanak allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, أمر الآن إلى المحور الثالث والأخير. Je passe maintenant vers le troisième et dernier axe من المثلث الأسري du triangle familial. العلاقة بين الوالدين والأولاد, la relation entre les parents et les enfants. اخترت لكم هذه الآية, j'ai choisi pour vous ce verset coranique. يا أيها الذين آمنوا قوا حميوا نجيوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس تشتعل بالناس والحجارة والحجر وقودها الناس والحجر عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. vous qui avez cru, mettez-vous vous et les vôtres à l'abri d'un feu ayant pour combustible les humains et la pierraille. Il est régi par des anges rudes et sévères, ne désobéissant à aucun ordre de Dieu et faisant tout ce qu'on leur ordonne. Et la meilleure protection contre les flammes du feu a lieu par l'éducation. Comme le verset dit, Rabbi rahmhuma kama rabbayani kama mithl tarbiyatihim li irhamhum kama rabbayani saghira. Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ou d'une façon égale comme ils m'ont élevé enfant. Farrahma al-ilahiyya lil aba biqadr at-tarbiyah lil awlad. Donc la clémence, la miséricorde divine pour les parents est égal à la quantité d'éducation assurée pour les enfants. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit prière et ça est sur lui. كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته. Chacun de vous est responsable et sera interrogé à propos de sa responsabilité. متفقون عليه. Unanimement authentique. والتربية تحتاج إلى حب ورحمة. L'éducation nécessite ou a besoin à un amour et une miséricorde. En ce qui concerne l'amour, je donne un exemple. Yaqub alayhi salam min shiddati hubbihi libnihi Yusuf alayhi salam amama firaqihi ma'ahu baka hatta faqad al-basar. Jacob, prière et saillie sur lui, par son excès d'amour à son fils Joseph, prière et saillie sur lui, et devant la séparation entre eux, il a pleuré jusqu'au point de perdre la vue. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana kullama mata lahu ibnun yabki. Le prophète prière ça, chaque fois qu'il perdait un enfant, un fils, il pleurait. Wal buka'u dalilun 'ala al-hubb. Et les larmes sont un argument, une preuve de l'amour. Amma fi ma yakhus ar-rahma, en ce qui concerne la miséricorde, marra ja'a a'rabi ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois un bédouin est venu vers le messager de Dieu, prière et salat sur lui, fa qala atuqabbiluna as-subyan. Embrassez-vous, il dit au prophète, embrassez-vous les enfants. Fa ma nuqabbiluhum, nous on les embrasse jamais. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète prière ça lui dit, أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ماذا أعمل لك يا أخي والله نزع الرحمة من قلبك. Qu'est-ce que je peux faire pour toi si Dieu a retiré la miséricorde de ton cœur, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. رواه البخاري, rapporté par le Bukhari. أخي أختي, frère, sœur, الرحمة تجاه الأولاد, la miséricorde envers les enfants, لا تعني أن تكون رحيما فقط مع الولد الصالح, ne signifie pas que tu sois miséricordieux uniquement avec l'enfant vertueux. والولد العاصي المذنب, et l'enfant pécheur désobéissant, لا ترحمه, tu n'as pas pitié de lui, tu n'as aucune miséricorde vers lui. بالعكس, c'est le contraire. هذا الولد المذنب هو الذي يستحق الرحمة أكثر. Cet enfant pécheur désobéissant, c'est lui qui mérite plus de miséricorde. لأنه إن بقي هكذا دخل النار. Parce qu'il, s'il reste ainsi, il entrera à l'enfer. أفلا يستحق الرحمة من والديه, ne mérite-t-il pas la miséricorde de la part de ses parents. وما فيه ذنب أبدا يمنع المذنب من رحمة الله إن كانت توبة. Et il n'y a pas un péché qui interdit la clémence de Dieu contre quelqu'un s'il y a repentir. فساعد ولدك على التوبة, aide ton enfant à accomplir le repentir. بحب ورحمة, avec amour et clémence. الملخص, le résumé. علاقة الوالدين مع الأولاد في الإسلام, la relation des parents avec les enfants en islam, علاقة تربية, est une relation d'éducation. ومعاشرة حسنة, et une bonne compagnie, مبنية على الحب والرحمة, basée sur l'amour et la miséricorde. وهنا أقوم ببعض الملاحظات, là je formule quelques remarques. الملاحظة الأولى, la première remarque, رأينا في كل محاور المثلث الأسري, nous avons vu dans tous les axes du triangle familial, علاقة مبنية على الحب والرحمة, une relation basée sur l'amour et la miséricorde. هذه هي الحياة الطيبة. Telle est la vie agréable. بالحب والرحمة يصبح البيت جنة. Avec l'amour et la miséricorde, le foyer devient un paradis. أخي أختي, frère, sœur, تريد جنة في بيتك؟ Tu veux un paradis chez toi? فعليك بالحب والرحمة. Tu dois avoir il te faut l'amour et la miséricorde مع زوجتك, avec ta femme, مع زوجك, avec ton mari, مع والديك, avec tes parents, مع أولادك, avec tes enfants. ولكن إذا غاب الحب والرحمة من العلاقات الأسرية, lorsque l'amour et la miséricorde s'absentent des relations familiales, تصبح جهنم في البيت. Le foyer devient un enfer. إذا غاب الحب والرحمة بين الزوج وزوجته, s'il n'y a plus d'amour et de miséricorde entre l'époux et sa femme, يكون الطلاق, il y aura le divorce. وإن لم يكن طلاق تكون الحياة مريرة. En cas de non-divorce, il y aura une vie amère. إذا غاب الحب والرحمة تجاه الوالدين, s'il n'y a pas l'amour et la clémence ou la miséricorde à l'égard des parents, يكون العقوق, il y aura la désobéissance. الجنة محرمة عليك في الآخرة, le paradis est interdit pour toi dans l'au-delà. إذا غاب الحب والرحمة تجاه الأولاد, s'il n'y a pas l'amour et la miséricorde à l'égard des enfants, بمعنى كانت القسوة والقوة, ça veut dire il y avait la dureté et la violence, يكون الأولاد في المستقبل منحرفين ومجرمين. Les enfants seront dans l'avenir des égarés, des criminels. وأنت مسؤول على ذلك. Et tu en es responsable. من أخذ الحب والرحمة في الصغر, celui qui a reçu l'amour et la clémence à bas âge, سيعطي الحب والرحمة في الكبر, il donnera à son tour à âge adulte l'amour et la clémence. من أخذ القسوة والشدة, celui qui a reçu la dureté et la violence, يعطي نفس الشيء في الكبر, il donnera la même chose à âge adulte. ربما تقول عندي جهنم في البيت. Peut-être tu vas dire, mon frère, j'ai l'enfer chez moi, انتهى كل شيء, tout est fini. أقول لك, je te dis, أخي أختي, frère, sœur, إذا كان الماء يطفئ النار, si l'eau éteint le feu, ويحيي النبات, et redonne la vie à la végétation, فالحب والرحمة يحييان العلاقات, l'amour et la miséricorde renouent les relations, ويصنعان المعجزات, et accomplissent des miracles. نسأل الله تعالى وتبارك أن يوفقنا, إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا, وأصلح ذات بيننا, واهدنا سبل السلام, وأخرجنا من الظلمات إلى النور, واجعلنا هادين مهديين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, جد علينا بالحب والرحمة في علاقاتنا مع زوجاتنا, مع أزواجنا, مع آبائنا, مع أولادنا, مع جيراننا, مع المسلمين ومع الناس أجمعين. يا رب, لا تجعلنا من الأشقياء. يا رب, اجعلنا من الرحماء, وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء, ونحن شيء من ذلك الشيء. يا رب, هب لنا الرحمة في الدنيا, وهب لنا رحمتك عند الموت, وهب لنا رحمتك في القبر, وهب لنا رحمتك لما نقف أمامك, وهب لنا رحمتك في الميزان وعلى الصراط. يا رب, وأدخلنا برحمتك إلى جنتك مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم في هذا اليوم الكريم العظيم, صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.